Même si je confonds piano et guitare électrique, je me suis dit vas-y fais pas ton asthmatique. Je ne connais rien à rien, surtout pas en musique, mais la chanson française est tellement merdique. Je prépare mon entrée dans la chanson française. Je ne vaudrai prochainement pas mieux qu'une punaise. Je prépare mon entrée dans la chanson française. Je ne vaudrai prochainement pas mieux qu'une punaise. Je vais faire un bon slam sur fond de robot mixeur. Pour les cœurs, ma petite sœur geindra de tout son cœur. Je vomirai des balades qui feront chialer tout le monde. Et mes refrains tueront le public à la ronde. J'aurai des tas de nanas, je les embobinerai. Elles connaîtront vite fait mon hôtel dans le marais. À coups de sac à main, elles gagneront leur place. Je leur casserai la gueule en guise de dédicace. Je prépare mon entrée dans la chanson française. Sur la guerre en Irak, je ramènerai ma phrase. Car je prépare mon entrée dans la chanson française. Et sur la guerre en Irak, je ramènerai ma phrase. Avec une boîte à rythme, je vais créer mon groupe. Un peu d'ukulélé pour épicer la soupe. L'acoustique du couloir, elle est vraiment super. Je me suis réécouté, c'est à tomber par terre. CD autoproduit bricolé sur 4 pistes. J'inviterai Jean-Baptiste, un pote accordéoniste. Et puis pour les paroles, pas trop d'Alexandrin. Premier concert d'Icon et tout seul à la fin. Je prépare mon entrée dans la chanson française. Et v'là déjà que je pense à me jeter de la falaise. Je prépare mon entrée dans la chanson française. Mais v'là déjà que je pense à me jeter de la falaise. Les gens ne comprendront pas la finesse du propos. Trouveront ma voix miteuse, diront c'est le chaos. Thématique douteuse, assemblée nauséeuse. Éructation scabreuse, les filles seront boudeuses. Putain, elle est balèze, cette chanson française. Je vais me mettre à la sculpture, je vais bouffer de la glaise. Activité géniale pour se faire des demoiselles. Rodin, c'est bien connu, ce tapé, c'est modèle. Je prépare ma sortie de la chanson française. Ma gueule sur les inrocks n'est plus une hypothèse. Car je prépare ma sortie de la chanson française. Ma gueule sur les inrocks n'est plus une hypothèse.